comme je suis un animal, si elle veut pas, il sera pas question. Alors là, si je téléphone, ben là, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire, je sais pas. Fait que là, je me dis, ben écoute, ton automobile, il y a des problèmes l'autre fois, là, ça tente qu'on y regarde. T'es raison. Puis, il y a un moment donné où tu es suffisamment transparent avec toi, tu te dis que ces maudites raisons-là, ça devient con. Ton auto va être en bon état. Puis tu fais pas qu'elle change d'auto, puis m'acheter une neuve. Alors, elle ne sera pas seule toute sa vie, elle est loin de là. Puis tout ce qu'ils veulent donner, ben c'est sûr, je connais une femme, ma femme. On lui a offert un bateau, on lui a offert un voyage autour du monde. En tout cas, je pense qu'à chaque mois, il y a un mâle qui se pointe pour lui donner tout. Puis j'ai beau lui dire, crime prend en tête, moi je n'ai besoin. D'accord. Ah, bon. Il y en a qui ne comprennent pas vite. Mais non, parce qu'il a rendu un point de conscientisation. Imaginez, vous êtes au restaurant. Hein, vous êtes aux États-Unis ou quelque part au Canada, vous êtes au restaurant tout seul, vous commencez à manger, là, il y a un homme qui fait deux fois le tour de la table, pas ça. Est-ce qu'il peut m'asseoir avec vous? Sur quelle planète que je suis? Mais ma femme, elle se pose souvent la question. Puis après 15 minutes de jasage, là, le gars, il est riche, il a un bateau, il pourrait même le mettre à son nom. C'est quoi ton nom? C'est... Tu sors ta hache, tu sors tout ce qu'il faut. Il y a l'animal qui est... Il y a un prédateur qui se promène. Ben c'est ça, c'est fréquent. Ça m'arrive pas, moi. Bon, c'est beau. Mais il y a une place à Montréal, si tu veux que ça t'arrive, tu peux aller. Moi, ouais, c'est peut-être parce que je vois pas bonne place. Pourquoi? Elle a dû garder ma moustache dans ce temps-là, ça m'a fait chaud. J'aime pas vivre avec un homme et faire semblant. Je suis écœuré de me masturber mentalement et physiquement. Je suis chaste depuis 3 mois et je trouve ça extrêmement difficile parce que ça gigote tout le temps. Et je me sens pas névrosé, je connais la mécanique et tout est passager. Question. Pourquoi ça gigote tant que ça? Est-ce parce que j'ai du karma à éliminer ou c'est parce que mon astralité ou est-ce qu'il y a une ou plusieurs entités qui aiment s'amuser en moi? Ou est-ce un manque d'énergie astrale ou en tout cas, qu'est-ce que c'est? C'est pas mal tout ça. Bon, elle n'aime pas vivre avec les hommes, faire semblant, etc. Donc, depuis 3 mois, elle est chaste, mais elle n'est pas pure. C'est pas marqué, ça. Bon, ben là, je résumais tous les paquets de problèmes, là. Tu lis entre les lignes. Il y a beaucoup d'espoir entre les lignes ici, beaucoup de choses écrites entre les lignes. Premièrement, il faut comprendre, je réexplique un petit peu encore le phénomène de l'ego. L'ego, c'est une agglomération de parties. Et chaque partie d'ego se nourrit, se bâtit, se crée, s'alimente en fonction de l'expérience qu'il vit. Donc, quand un homme rencontre une femme, quand une femme rencontre un homme, ils ne se connaissent pas, ils ne s'aiment pas, s'ils se séparent, ils ne souffrent pas. S'ils vivent ensemble pendant 6 mois, il y a une partie de l'ego qui mémorise la présence de l'homme ou de la femme, et ça crée une protubérance, un agglomérat, et ça leur a besoin de s'alimenter, ça obligera la femme ou l'homme à être présent. Et après deux ans, on manipule l'autre, on veut qu'il vienne. Et comme je dis souvent dans le couple, tenez-vous les cheveux en bleu, à un moment donné, vous allez voir immédiatement la réplique de l'ego de l'autre. Pourquoi? Parce que la partie qui se nourrit de votre présence ne peut pas se nourrir quand vous avez les cheveux bleus. Il est habitué avec votre couleur habituelle. Donc, se nourrissant pas, il va essayer de vous manipuler pour devenir normal. Si vous ne le faites pas, ben après 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, il s'est habitué. Ça veut dire quoi? Il a rectifié la partie des cheveux de votre onde de forme qui se nourrissait, et maintenant il se nourrit de ce que vous êtes là. Alors il arrive ceci, il arrive que la personne, elle a eu des relations sexuelles, elle a vécu certaines choses, elle est aussi manipulée au niveau réincarnationnel, et là maintenant, après 3 mois, elle arrête. Mais il y a des parties d'ego qui se nourrissent d'expérience. On peut se nourrir de s'engueuler, donc s'ennuyer de s'engueuler. On peut se nourrir de guerre, on peut se nourrir de souffrance, on peut se nourrir de maladies. Il y a beaucoup de patients dans les hôpitaux qui ne veulent pas guérir, c'est des patients invétérés, parce qu'ils ne voient pas en santé. Ils se voient vouloir guérir. Ils ne se voient pas guéris parce qu'ils ne pourront plus vouloir guérir, leur vie n'aura plus d'allure. Alors ils restent malades pour pouvoir vouloir guérir. Il y a une partie d'ego qui s'est nourrie souvent de l'expérience, elle continue à s'exprimer, donc elle sécrète des hormones, ce qui fait réagir le corps d'un paquet de façons. C'est un paquet de choses qui se passent comme ça. Manque d'énergie, ça va de soi, manque d'énergie astrale, vitale, etc. Et ça va finir par passer, soit vous allez craquer, soit que ça va passer. Mais de toute façon, ça va passer. Oui, puis si ça craque, on se culpabilise pas, on n'a rien à foutre. Il faut comprendre les mécaniques. C'est comme, par exemple, là aujourd'hui, là, tiens, je reste ici, puis je médite. Puis subitement, vous avez une envie d'aller aux toilettes. Ah! Là, vous vous dites, hey, moi, être assez fort, moi, rester ici. C'est même pas une question de force, c'est le corps physique là, qui a envie. Ça n'a plus rien à voir avec vous. Fait que si vous allez aux toilettes, ouais, mais j'ai bougé, j'avais dit, je restais ici. Non, mais non, j'ai pas les pommes et les salades, vous n'avez pas bougé. Vous allez porter votre corps aux toilettes parce qu'il va avoir envie, bon, puis vous revenez après. Puis vous n'avez pas bougé. Ben, écoute, je me suis levé. Non, vous mélangez tout. Ce que vous avez dit, c'est je ne bouge pas d'ici, c'était pour contrôler l'ego, pas le corps physique. C'était pour contrôler la patience. C'était pas pour dire, tiens, je vais me remplir la vessie qui m'a appuyé pleine pendant 2 mois. C'était pas ça qu'on s'est dit au départ. Et c'est là qu'on mélange. Alors la personne, à un moment donné, elle aurait une relation sexuelle parce que, bon, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus, non. Le corps physique a des mécaniques qui n'en peuvent plus. Après ça, elle revient parce qu'elle dit, merde, j'ai encore, elle n'a rien fait, elle doit, celle-là en a une, après ça, elle revient, puis elle continue, c'est comme si elle a vécu un craquage à droite, on rattache ça ici, on coupe le craquage pour nous autres, puis on continue. On n'a jamais rien vécu. Un peu comme les deux moines, hein, qui avaient fait vœu de chasteté, jamais regardé une femme, Encore moins touché, évidemment. Alors, ils se promenaient, ils faisaient le tour de la planète Terre, dans les déserts, en fuyant, parce que les femmes, ça, c'est des créatures, il y en a partout. Puis à un moment donné, il arrive sur le bord de la mer, puis il y a une femme qui est en train de se noyer. Fait que le plus jeune des deux, ben, il ne regarde pas, tu sais, puis il veut continuer, puis le plus vieux, il dit, il rentre dans l'eau, il sort la bonne femme, il l'amène sur la plage, le bouche à bouche, tout ça. Il la réanime. Après ça, les deux repartent. Et puis, au bout de 2 jours, le jeune, il dit à l'autre, il dit, écoute, la femme t'a sauvé, là. Ça veut dire qu'elle a fait vœu que jamais tu regarderais une femme, jamais tu toucherais une femme. Fait que le vieux, il dit, une femme? Quelle femme? Ben la femme, l'autre fois que tu allé chercher dans l'eau. Ah oh, oui, cette femme-là. Moi, je l'ai eu dans la tête pendant 5 minutes. Après 2 jours, elle est encore chez toi. Mon petit, c'est toi qui as des problèmes. Puis le vieux continue. Ben, c'est exactement ce qu'on doit faire avec la majorité de ce que l'humain veut faire. Alors, elle aurait une rechute, elle n'a pas de rechute, ça, on coupe ça, on n'a pas vécu ça. Dans notre 8 semaines, il faut qu'on commence à y penser. Mais c'est pas elle quand même. Alors, il faut bien comprendre, je décide que je veux avoir de la volonté. Votre corps physique a faim, j'ai de la volonté. Là, vous voulez contrôler le corps physique alors que c'est l'ego qu'on doit contrôler. Le corps physique, on l'alimente convenablement. C'est l'ego qui a faim, c'est autre chose. Vous avez déjà essayé de manger une barre de chocolat comme une caramelle? Ben, puis, vous voulez pas, c'est une grosse. Essayez ça. Moi, quand j'étais jeune, j'ai essayé ça une fois. Et que c'était drôle. J'étais machin de caramel, puis je l'ai placé en dessous d'une lampe. Puis là, j'ai attendu, puis j'avais le goût de la manger. Ouais. Là, j'ai déballé au complet, puis j'ai réussi à me l'étaper dans la face. Ça a été compliqué, parce que mon ego voulait l'étaper dans la bouche. Alors là, il y a toutes les affaires, c'est connard, ça va être ça, mais pour voir ce que ça donne. Puis c'était comique. Les caramels qu'après, je n'ai plus mangé. Je suis passé au bord Mars. Ça s'étend moins. Mais il faut s'amuser un peu. Mais après ça, on ne reste pas mal pris avec tes petites déchets. Fait que ça, elle a fait une rechute. C'est pas grave. Je pense que c'était pas des tuyaux de glace. Hein? Ah, ben ça, j'ai mangé. Je suis... que signifie ce rêve? Je suis dans une grande maison. Il y a beaucoup de gens, des hommes riches, sont assis à une table et discutent. Mon travail, la garde d'un enfant. Un bébé d'environ 6 mois. Un homme m'ordonne de mettre des gouttes dans les yeux du bébé en nommant le nom du médicament en latin. C'est que sur les paupières du bébé se forme une ligne blanchâtre et forme une croûte. Je peux le retirer comme un fil. Et lorsqu'il est dans ma main, c'est comme un petit demi-lune sèche qui brille comme de l'émail. Je l'écrase et c'est devenu en poudre et disparaît presque. Je suis la mère de l'enfant et personne ne le sait sauf un homme qui rit. Et pour me rassurer, il répète plusieurs fois, elle... Mon prénom se fait toujours ramasser. Je suis heureuse car je sais qu'il n'y a que moi qui est qualifié pour la garde de l'enfant et un peu triste car je ne peux dévoiler que c'est moi la mère et je me réveille. Je demeure intriguée par le mystère de ce fil dans les yeux et qui identifie l'enfant et la clarté de ce rêve presque réel au réveil. Que signifie ce rêve? Probablement, c'est assez compliqué d'interpréter les rêves. Pourquoi? Parce que, en fonction de la psychologie des individus, chaque symbole aura une connotation différente. Autrement dit, une personne qui rêve à un chat, on ne peut pas interpréter le rêve. Par exemple, rêver à un chat, c'est souvent qu'on se confie à des gens qui bavardent ce qu'on leur a dit. Mais si vous êtes un Irakien, rêver à un chat, ça peut vouloir dire autre chose. Surtout si vous êtes un Iranien, évidemment, le rêver au chat, ça c'est tout à fait différent. Donc, dépendant de la symbolique, parce que chez les Égyptiens, le chat était divin. Bon, dans d'autres pays, c'est on les mange, hein, parce qu'on fait du chat, oui, vous connaissez ça. Alors, quand on rêve, dépendamment des éléments, ça peut avoir des symboliques différentes. Il y a autre chose aussi qui est un peu plus compliquée au niveau de l'interprétation des rêves. Chaque rêve, celui-ci est clair, et de la façon dont il est constitué, effectivement, il y a probablement quelque chose qui veut passer. L'ajusteur de pensée, dans le cauchemar, normalement, essaie d'instruire l'ego, donc de déformer l'ego, et de temps en temps, il laissera des messages, bon, dans la conscience. Sauf que le rêve ici peut s'interpréter astralement, socialement et intelligemment. Et laquelle des trois façons on prend? Parce que chaque fois qu'on fait un rêve, le rêve a une symbolique sur plusieurs niveaux. Alors, on pourrait dire ici, la personne, par exemple, à un moment donné, elle aura des problèmes matériels. Il y aura un paquet d'individus qui vont se servir d'elle. Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Le bébé, ça peut simplement être quelque chose qu'elle a fait, qu'elle cache, au nom du fait que pour ne pas le bavasser, on va la manipuler. Un exemple qu'on pourrait donner, mais ce n'est pas ça. À un moment donné, vous allez accepter de commettre un petit larcin pour quelqu'un. Puis après ça, ben, il vous dit, si tu veux pas j'en parle, tu vas en faire un autre. Bon, mais c'est un exemple que je donne. Au niveau de l'évolution, le bébé peut facilement être sa conscience. Il y a un paquet d'individus qui vivent présentement avec elle, qui sont convaincus qu'elle est normale, que tout va bien. Il y en a un qui sait qu'elle évolue, qu'elle est bizarre, mais il trouve que ça va. Il y a une complicité entre les deux. L'enfant sait elle-même. Le fil, c'est un peu... ça peut être la corde d'argent, mais le fil au niveau des yeux. Les yeux, c'est une excroissance du cerveau. Le cerveau est ce qui amène l'intelligence et amène aussi la conscience émotive. Alors, on pourrait s'amuser comme ça, on pourrait aller décoder plusieurs choses qui seraient en affinité avec l'individu. Autant sur le plan matériel, sur le plan psychologique, que sur le plan de l'intelligence. Il y a une conférence que j'ai faite à un moment donné, c'est l'interprétation des rêves chez l'homme nouveau. Alors, la personne, elle pourra peut-être à un moment donné écouter la conférence. Je ne dis pas ça pour vendre la conférence, c'est que je n'ai pas le temps pendant la période de questions d'élaborer sur le rêve. Et on doit soi-même apprendre à décoder nos rêves. Pas en lisant un livre, je le répète bien, on lit un livre, puis le moment qu'on y va lire un peu, puis c'est du tout. Bon. Alors, on doit apprendre à décoder ses rêves, à étudier, puis à faire des relations. Au départ, elles seront un peu fausses. Finalement, on sera un peu plus notre seul maître là-dedans. On dépendra de nous. Puis toi, sur l'astral, quand tu es bon pour décoder tes rêves, tu ne te rappelleras plus de tes rêves. Mais ça, c'est la vie. Mon fils a subi une agression sexuelle d'un pédophile à l'âge de 11 ans. Pourquoi son initiation à la sexualité s'est faite par la violence? Est-ce karmique ou ça fait tout simplement partie de son expérience d'évolution? Aujourd'hui, il a 17 ans et semble très bien équilibré dans tous ses corps. Merci. Absolument, c'est sûr, ça n'a rien à voir, ça dépend. Vous savez, j'ai travaillé avec des enfants, j'ai travaillé avec des personnes aussi qui avaient eu des comportements bizarres. C'est les adultes thérapeutes souvent et les parents qui vont engendrer le drame pour instruire l'enfant du drame qu'il a vécu. Après ça, l'enfant vient tout croche. Après ça, on le thérapise pour qu'il vienne tout droit. Alors que s'il n'en parle pas, plus souvent qu'autrement, ça va bien. Ici, son fils n'a pas subi d'initiation sexuelle à 11 ans. Il a subi d'initiation humaine à 11 ans. Pas sexuelle. Pourquoi qu'on vise uniquement la sexualité? Il s'est fait accrocher, il a goûté la société. Il s'est fait violenter physiquement, au visage, aux parties sexuelles ou n'importe quoi. C'est le corps physique. C'est pas d'initiation sexuelle qu'il y a eu. C'est pas ça, c'est la sexualité. Il y a eu une initiation humaine. Il a découvert simplement que dans la société, il y avait des problématiques qui seraient intéressantes de régler un jour. Il a payé un karma collectif. Autrement dit, quand je dis ça souvent, les gens n'aiment pas ça, c'est que ce qu'il a vécu, ça ne le regardait pas. La société, elle a du noir, elle a du blanc. Elle vit mal, mal, mal, et elle est extraordinairement blanche aussi de notre côté. Et il y a un moment donné où le karma noir est tellement pesant qu'il tombe sur les individus les plus faibles. Alors une femme peut se faire violer, quelqu'un pourrait dire karmiquement, ben, c'est parce que dans une autre vie, elle a... Non, non, non. Elle bénéficie des bienfaits de notre société et de temps en temps, elle supporte les malfaits et il y a des doses concentrées qui se font à un moment donné. L'alcoolique paye un karma collectif, la majorité des toxicomanes aussi, et dans certains cas où il y a des agressions particulières, c'est ce qui va arriver. Alors, l'enfant, lui, ici, karmiquement, il n'avait rien à faire là-dedans. S'il ne se culpabilise pas après, s'il est capable de digérer l'événement en tant qu'événement, exactement comme si, à un moment donné, quelqu'un passe, et puis l'enlève, le kidnappe, aucun problème sexuel, il ne le viole pas, il demande une rançon pour vos 2 semaines, il le libère pour 10 000 $. Ben, il a vécu une situation qui est aussi problématique que s'il se fait agresser sexuellement. C'est parce que nous, on focalise tout le temps tout sur la sexualité qui reste toujours interdite, un gros danger. Et en même temps, tout le monde court après. Bon, alors nécessairement, l'enfant va être traumatisé et il s'est fait violer. Ben, il s'est fait violer. Ils sont pas nécessairement traumatisés parce qu'il ne s'est rien passé d'autre qu'un viol. Puis le viol, c'est pas... Qu'est-ce qui est important? C'est quand on viole notre espace vital. C'est ça que l'enfant a découvert. Bon, il va rester aussi équilibré si dans sa psychologie, on n'en crée pas un drame. Ça n'a rien à voir avec le phénomène sexuel. Il peut aimer les femmes autant, avoir des enfants, puis pas leur sauter dessus. Il n'y a pas de problème là. Quel sera notre rôle près des années 1993 à 1997 à la petite gang qui sont de Taras? Vous savez, un troupeau de moutons conduit par un lion, c'est plus dangereux qu'un troupeau de lions conduit par un mouton. L'Irak en est un exemple. La Libye en est un exemple. On peut envoyer 40 000 bombes sur un pays, des bombes à la bâtie de Trinito-Toluène, de TNT. On peut envoyer une bombe atomique, une bombe à fusion, donc une bombe à hydrogène, une bombe thermonucléaire. La quantité n'a rien à voir. Et qu'est-ce qui va se passer dans les années 93 à 97? On pourrait dire 93 à l'an 93, en 2493. Mais vous verrez bien, il va se passer plein de choses intéressantes. C'est évident que le Québec aura un rôle à jouer. J'ai fait plusieurs conférences là-dessus. Si ça vous intéresse, il y en a une, c'est le Québécois une race de cochon. C'est tout. Une race à part. Oui, c'est une race à part, bon. Québécois une race à part. Et il y a plusieurs conférences comme ça que j'ai faites pour expliquer plus grosso modo ce que ça va être. Puis de toute façon, au mois de septembre, on va revenir énormément sur... la mécanique des prophéties, puis en tout cas, il y a un paquet de choses auxquelles on va jaser qui va répondre beaucoup plus amplement à la question. Les hommes politiques semblent faire un parallèle avec les années 30. L'histoire semble cyclique. Y a-t-il un lien entre Hitler et Saddam Hussein? Travaillent-ils consciemment ou non pour certaines forces occultes? Si oui, lesquelles? Explique. Non, Hitler ne se réincarnera pas. Hitler, c'est la réincarnation de Tibère, c'est la réincarnation d'un sorcier Klingsor. Il s'est réincarné dans la majorité de ses lieutenants, de ceux qui travaillaient avec lui, ceux qui ont été éparpillés sur la planète Terre et qui ont été pourchassés. Alors, il a appris à payer en masse. Chaque fois qu'on en tuait un, il n'allait pas dans le monde de la mort, il se ramassait dans les autres. Alors, ils ont vécu, Hitler et sa gang, ont en masse payé pour. La majorité des Allemands, de l'attitude allemande se réincarnera et se réincarne au Québec ici. Le Québec risque d'être une prochaine Allemagne, on l'a déjà dit. Pas une Allemagne militaire nécessairement, mais du point de vue technologique et du point de vue des cerveaux en tout cas. Non, Saddam Hussein, il y a Mahomet qui va se réincarner. Il y a plusieurs personnages du passé, effectivement, qui vont se réincarner. Et quand on parle de phénomène cyclique, c'est évident que c'est cyclique. L'humain a toujours fonctionné à partir de la mémoire, de la tradition. C'est des mécaniques sur lequel j'ai déjà passé déjà beaucoup de temps. Présentement, le cycle, ce n'est pas un vrai cycle. Ce qui arrive présentement, ceux qui aiment les cycles, là, on vit ce qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années en Atlantide. On se rapproche de la fin de la 5e race mère. L'Atlantide était la fin de la 4e race mère. Et on va vers la sixième race mère qui devrait prendre naissance en Amérique. D'ailleurs, qui est déjà en train de prendre naissance en Amérique. Et le cycle qui se passe simplement, c'est un cycle de où on réincarne le passé au complet. Ça veut dire que toutes les stratégies, toutes les guerres, enfin, toute l'expérience du passé va être réunie dans les années à venir pour que toutes les mémoires, on pourrait dire que toutes les humanités puissent être initiées à la sixième race, donc à l'ère nouvelle, qu'on appelle le millénium, qui devrait durer aux environs de 13 800 années. Dans ton roman La Cité de Sept, Mani et Benoît vivent une relation énergétique. Qu'est-ce vraiment que cette relation? La relation entre les deux, c'est celle que j'expliquais tout à l'heure. C'est une forme de relation sexuelle qui demande plusieurs choses. Ils vivent quoi? Ils vivent simplement une fusion complète, c'est-à-dire qu'au lieu qu'un corps pénètre un corps, les deux se mêlent totalement. Il n'y a plus d'observateur, il n'y a plus d'observé, il n'y a plus de paysage, il n'y a absolument plus rien. Tout ce qui reste, c'est de l'énergie. Que l'enfant peut comprendre, que l'adulte peut comprendre, vu leur niveau d'évolution. Alors, il se passe une relation énergétique assez que les individus qui y assistent, ils ne sont pas nombreux là, par imprégnation, finissent par ne pas intervenir, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre, ils savent que tout est parfait, ils ne savent pas pourquoi c'est parfait. Ils sont totalement imprégnés, inhibés, ils attendent, ils sont heureux. Les extases, à un moment donné, que certaines personnes ont déjà vécues dans le passé, ils sont dans des histoires qui en comptent, ça ressemble à ça. Alors, c'est ce qui se passe entre les deux. Je suis hésitant à faire le séminaire. Une sorte de peur m'habite et je ressens à la fois un sentiment que cela me libérerait. Qu'en est-il? Est-ce l'ego? Oh, ben, ça, c'est sûr que j'ai l'ego. Hésitant à faire le séminaire, de toute façon. Si l'ego le saurait, il n'hésiterait pas, il ne ferait pas. Exactement. Absolument. Surtout que c'est des égos qui viennent s'inscrire. Quand ils partent de là, c'est le mental qui domine un peu plus que l'ego. Fait que l'ego, il a l'impression que ça fait revoir un peu. Sauf que l'ego a appris quand même que c'était pas souffrant, qu'en tout cas, c'est pas mauvais. Mais ça, être hésitant à faire le séminaire, ça peut être tout à fait... ça me regarde pas, hein. Ça regarde les individus. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Est-ce que c'est l'ego? Ben, c'est évident que l'ego est ce qui nous rend hésitant. Une fois qu'on n'est pas hésitant, on peut le faire, on peut ne pas le faire. Mais là, c'est plus l'ego. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de le faire, des personnes qui n'ont pas besoin de le faire, et des personnes qui vont s'intéresser à le faire. Mais c'est évident que tant qu'on est hésitant, la question qu'on devrait se poser, voulez-vous être hésitant? Non, ben, c'est pas vous qui êtes hésitant. À quoi cela me servirait de me conscientiser si lorsque je mourrai, je serai incarné dans plusieurs individus? J'aimerais être toujours conscient de ma conscience. Premièrement, la question est mal posée, parce que à quoi cela me servirait-il de me conscientiser? De toute façon, l'humain se conscientise, l'évolution n'est pas entre ses mains. Il aurait gâché fait longtemps. Alors, de toute manière, quand une personne commence à se conscientiser, ben, elle est faite. Elle est faite à l'os, après ça, elle est faite jusqu'aux atomes, puis finalement, ben, elle réussit. Bon. Alors, on ne décide pas qu'on se pose des questions, on ne décide pas qu'on va s'intriguer de ce qui se passe sur la planète, on ne décide pas rien de ça. On découvre ça. Alors, à quoi ça va servir si, bon, on se réincarne, etc.? Je reviens encore très, très brièvement, parce que, bon, la réincarnation pluralitaire fusionnelle, on l'a vu un peu en conférence régulière, mais surtout au niveau du séminaire. Imaginez simplement que présentement, vous êtes vivant. Dans un an d'ici, vous ne serez plus absolument plus les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, celui qui est là aujourd'hui et celle qui est là aujourd'hui, oh, sera mort. Ils ne sont plus là. Vous n'aurez pas la même pensée, vous n'aurez pas les mêmes goûts, vous n'aurez pas les mêmes visions, vous n'aurez pas les mêmes désirs. Vous ne serez plus là. Allez-vous souffrir cette mutation? Non. Allez-vous souffrir cette transformation? Non. Et vous allez toujours avoir l'impression que vous êtes là, mais que vous avez changé. Ben, c'est ce qui arrive aussi. Et c'est ce que, dans la conscience, l'humain essaie toujours de faire des parallèles entre ce qui se vit sur la planète Terre et ce qui se vit dans des plans parallèles. Alors, il se dit, comment plusieurs individus peuvent-ils être tous chefs, mais en étant le chef? Parce que les individus, il y en a plusieurs qui me disent dans le séminaire, oh, moi, que je me réincarne après ça fusionnellement avec d'autres personnes dans des corps, ça ne me dérange pas, à la condition que c'est moi qui reste le boss. Bon. Ils vont tous être les boss. Et ça, l'humain, l'ego, de la difficulté à comprendre l'idée. Bien oui. Chaque fois qu'il y en a un qui va dire, ben écoute, je me lève. Ils vont être 30 millions à dire, ben écoute, je me lève. Ils vont tous se lever. Pourquoi? Parce que la fusion se fait en fonction des affinités énergétiques. Et là, la personne qui est un petit peu intellectuelle va dire, ouais, mais d'abord, c'est juste une illusion, je ne suis pas plus maître que... Non. Ce soir, quand vous allez vous coucher, là, après une demi-seconde, dormez. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes déjà pas plus maître qu'eux. Bon, puis c'est pas trop pire. Oh, imaginez quand ça vous allez de plus en plus être maître. On parle de 144 853 corps physiques dans en quelques années qui vont supporter le poids de toutes les humanités parce qu'il y a réincarnation fusionnelle et pluralitaire. Toutes les humanités vont faire partie de ce que la Bible appelle les élus. Ce qui va être oublié, envoyé aux oubliettes, c'est uniquement les mémoires de l'expérience négative, inconséquentielle et inécologique de l'humanité. Pas les humains. Il n'y a pas un humain qui est capable de savoir s'il fait bien ou s'il fait mal avant de l'avoir fait. Il ne faut pas le condamner pour ça. Il m'arrive d'être avec des amis, de discuter. On se réchauffe, mais je n'ai rien à dire. Je suis d'accord, je comprends, mais je ne participe pas à la synergie. Explique, est-ce lié à mon manque de transparence? Il y a juste vous pour savoir si c'est lié à votre manque de transparence. Une chose qui est certaine, c'est qu'on peut très bien participer sans dire un mot. Imaginez qu'il y a des individus qui viennent... Quand vous n'êtes pas à cette réunion-là, peut-être qu'ils ne parlent pas autant. Alors, vous faites un catalyseur. Il faut qu'on sorte de la normalité. Vous pouvez être absolument parfait, parfaite, sans être normal, c'est-à-dire sans être comme tout le monde. Moi, il y a un de mes amis que tout le monde disait qu'il était mon disciple, mon poisson, ma tapette, ma lavette. Pourquoi? Quand je disais bleu, il disait bleu. Quand je disais vert, il disait vert. Tous les deux, on était les seuls à savoir que ni un ni l'autre était l'esclave de l'autre. On était toujours d'accord. On n'était quand même pas pour développer un désaccord uniquement pour plaire aux autres. Je pense qu'on devrait aller à telle place dans notre voyage. Ouais, bien d'accord avec toi. Sauf que vu que moi j'ai une grande gueule, je parlais toujours avant lui. Et tout ce qu'il avait à dire, c'était « Ouais, bien d'accord avec toi. » Les gens, ils disaient « As-tu vu qu'il visait? » Ils suivent. Pire, si je disais « Tiens, non, c'est pas là qu'on va aller. On va à telle place. Ouais, t'as raison, c'est mieux. » Ouais, mais c'est qu'il avait fait le même cheminement que moi en même temps. Il n'y a pas un des deux qui suivait. Mais une chose, je lui disais souvent, viens-tu, on va aller, il y a des problèmes, on va aller régler, trouver des solutions ensemble. Les gens, ils disaient, je ne sais pas pourquoi qu'il l'appelle, il n'a jamais parlé. Mais c'est ça, mais sans lui, ce que je disais, ne solutionnait rien. Quand il était là, il me disait, je disais, t'as-tu une idée? Il dit, oui, on pourrait faire telle affaire. Là, moi, je disais, non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est telle affaire. Il disait, t'as raison. Et voilà. Mais si lui n'avait pas parlé, je n'aurais pas trouvé ce qu'il fallait que je trouve. Puis lui, il le savait. Alors, on allait jouer au ping-pong pour régler des problèmes. Puis lui, il disait, il amenait plein d'idées. Après ça, on s'en allait avec mes idées. Mais c'était nos idées. Puis lui, il n'avait jamais rien vécu de problématique. Alors que les autres, il y en avait-tu à dire? Hein, que ce sont, quand on cherche un maître et un disciple, là, on avait ce qu'il fallait. Hein. Alors que tout allait bien. Il y a des personnes qui participent énormément, pas de la même façon que tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'était pas lui. Pourriez-vous définir le mot sentiment, s'il vous plaît, donner des exemples? Bon. Et qu'entendez-vous par vivre avec ces sentiments? Un sentiment, c'est la capacité qu'a un corps vital d'entrer en résonance avec une onde de forme. Facile. Hein? Comme d'autres questions? Un sentiment, c'est la qualité que vous avez de vibrer à quelque chose qui vous fait vibrer. Un sentiment, c'est la capacité qu'on a d'entrer en harmonique, en résonance. Si on fait vibrer une corde d'une harpe, tout le monde a une harpe à la maison, on peut se rendre compte que si on met une harpe à côté, la corde correspondance commence à vibrer elle aussi. Bon. Si on est capable de vibrer, d'entrer en harmonique, d'entrer en résonance avec certaines choses. Par exemple, vous trouvez le discours de quelqu'un beau. Vous entrez donc en résonance avec. C'est un sentiment. Vous n'êtes pas en amour, c'est pas en amour humain, en amour conditionnel, ce n'est pas émotif. Vous pouvez vous sentir bien Vous pouvez sentir de l'énergie couler sur vous, vous pouvez sentir plein de choses. Et vous écoutez, vous êtes dedans, vous êtes vivant, vous êtes présent, vous êtes un là. Vous voyez un paysage, vous le trouvez génial, extraordinaire, vous n'avez pas de mots pour en parler, vous êtes en sentiment. C'est une résonance sentimentique et non pas sentimentale. Alors, vous êtes en train de vivre des sentiments. Vous pouvez avoir vous pouvez raisonner avec un être humain, un homme, une femme, un enfant, homme, femme, etc. L'amour intelligent se joue au niveau du sentiment. La première fois que vous avez vu un papillon, vous avez été émerveillé. C'est le sentiment. La 20e fois que vous en avez vu un, vous avez pilé dessus. Bon. Ou vous l'avez collectionné de l'émotion. On voit une fleur pour la première fois, on raisonne avec, on a un sentiment. Par la suite, on décide de s'en emparer. On la tue, on la coupe, on l'amène chez soi, on la met dans un pot. De l'émotion. Quand elle est fanée, on la met aux poubelles, on recommence. L'émotion, je fais un parallèle. Le sentiment, c'est lorsqu'on est capable de s'abreuver, de se nourrir d'une onde de forme, d'un événement, d'un mot, d'une parole, d'un poème, d'une chanson, d'une peinture, d'un individu, d'un paysage, d'une planète, des étoiles. On peut s'abreuver, ça nous nourrit. Ça ne nous sécurise pas, ça nous nourrit. Alors que, donc, c'est comme si on mange un fruit, on mange par exemple un morceau d'ananas, eh bien on le mange, ça nourrit notre corps physique. C'est un sentiment. L'émotion, c'est lorsque on se remémore le phénomène et on essaie de se nourrir de la mémoire. Alors, on ne digère pas l'ananas, on le régurgite dans notre bouche, on le remange en espérant qu'on est capable de le regoûter. Et là, on se dit, je ne suis pas pour le digérer. La journée que j'en voudrais, si j'en ai pas, nostalgie, mémoire. Alors, on garde les photos, on garde les affaires en mémoire au lieu de les digérer, de s'en servir comme expérience. Le sentiment, ça nourrit, ça fait vivre, ça fait avancer. Et le sentiment nous permet d'apprécier à sa juste valeur chaque fois, chaque chose, comme si c'était la première fois qu'on le voyait. Alors, quand je rencontre une personne avec qui je me suis engueulé la veille, je le découvre sentimentiquement en fonction de ce qu'il est maintenant. Si je le découvre émotivement, je vais le découvrir avec de l'amertume, avec ce qu'on a fait hier. L'amour humain est un amour émotif. L'amour réel est un amour sentimentique, un amour énergétique. Mais la semaine prochaine, on revient sur l'énergie de l'amour et on va parler énormément du sentiment. Le sujet, c'est... Les raisons ésotériques de l'amour. On va parler de les pièges, on va parler du phénomène sentimentique et surtout la semaine d'après, donc, où on parle de l'énergie au niveau de l'amour. Comment ne plus perdre son énergie en amour. On va parler du sentiment, surtout là. J'en réserve une heure ou deux juste sur le phénomène du sentiment. En attendant, vous vous amusez, mais oui, profitez-en pendant que c'est le temps. Dimanche prochain, pour les séminaristes qui sont intéressés, dimanche qui s'en vient, c'est la conférence du mois, à 13h30, ici même. C'est ça, bonne semaine.